partir de maintenant. Oui, oui, si, si. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go! Ce soir et toute cette semaine, c'est Mac Tailleur dans Planet Rap. Pendant une heure complète. Aucun fond dans la nature, Planet Rap, Mac Tailleur, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti, nouvelle soirée, c'est la rentrée de Planet Rap. On est en direct depuis lundi et tous les soirs de la semaine avec Mac Tailleur. Comment va? Comment tu vas, Fred? Eh ben, écoute, en pleine forme. Mais tant mieux. Ça va, c'est le premier Planet Rap de la saison. Ce serait dur quand même si au bout du quatrième tu sois déjà KO. Ce serait compliqué pour le reste de la saison. Mais tout va bien? Ça va, merci. Je vois que tu es venu accompagné. Oui, il y a une petite sœur avec moi. Une petite sœur très talentueuse. Ouais. Merci, beaucoup, beaucoup Fred. De talent avec qui tu as déjà posé. Oui, c'est avec qui j'ai déjà posé, que j'écoute ses morceaux beaucoup. Tu sais qu'elle a éclaté plein de festivals cet été. Hein. Je sais. Elle rigole pas sur scène. Elle rigole pas. C'est une mitraillette. Petit bout de nerf sur scène. Ouais, ouais. Qui s'agit dans tous les sens. C'est Siana qu'on présente bonsoir, aussi. Bonsoir. Ça va bien, Siana? Ça va, merci. Eh bien, écoute, bienvenue dans le Planet Rap pendant qu'on m'apporte le. Tu avais perdu le numéro. Le portable? Ah, je crois. Merci, que Maxime. Perdu. Tu l'avais oublié quelque part? Ah, je pense. Hein. Dans les toilettes, genre. Bon, tout va bien, tu peux donc tenir une heure complète. Ouais, en tout cas, ça c'est la bonne nouvelle. Ouais. Encore beaucoup d'appels, beaucoup de messages. C'est le concept, tiens, Siana, j'espère que tu viendras cette saison. Yes, je veux réconcilier aussi le rap français pour réconcilier un téléphone. Un téléphone qui va aller de main en main pendant toute la saison de Planet Rap, avec un numéro qui sera le même pendant toute la saison, 06 71 74 84 15. Il n'arrête pas de sonner, d'envoyer des messages. Tiens, je te le confie, tu l'avais oublié. Donc, ouais, il va falloir que je surveille ce portable, tellement que je mette une double puce pour savoir où il est en permanence. Ouais. Bon, on attaque comme chaque soir avec le morceau Fantôme. Okay. Et puis un programme chargé. Ce soir, on fera un petit cahier de vacances, révision pour tout le monde. Ce sera un petit quiz avec quelqu'un par téléphone dans quelques minutes. Ouais. Je suis ouvert à ce petit quiz. Très bien, Bastiana, tu pourras jouer aussi avec nous. Et puis on attend aussi vos messages pour Mac Tailleur avec le hashtag Mac Tailleur sur Skyrock. On débute avec le morceau Fantôme. Ouais, on débute avec le morceau Fantôme. C'est le nouvel extrait, c'est une tient à cœur et voilà. Et ben c'est parti. Avec Blacko, titre inédit de Mac Tailleur maintenant. Big up à toi, mon frérot. Depuis que j'ai perdu mon frère, j'ai peur de la vie. Sans la descendance, ça sert à quoi de se construire? J'essaie de réussir pour toi, les parents et les mômes. Quand je reviens, les concurrents deviennent des fantômes. Quand je reviens, les concurrents deviennent des fantômes. J'essaie de réussir pour toi, les parents et les mômes. Quand je reviens, les concurrents deviennent des fantômes. La rancune d'un peau rouge qui veut la peau du shérif. Le regard figé dans le vide, j'suis au bord du précipice. Paris me stresse comme ses factures en fin de mois. Ce week-end je vais dans le Var pour faire comme les bourgeois. Le mal et le bien me tiraillent comme une double vie. Si je quitte Natacha, ce n'est pas pour Elodie, hein. Ambition pharaonique, je fais mes pyramides. De rien, je suis parti, mes rêves dans le satellite. Ça me fait bizarre de parler de bigot au passé. Tous les soirs je pleure et j'ai envie de tout casser. Mais j'essaie de me ressaisir. Mon frère, je ressens ta présence dans le zéphyr. Il y aura toujours des questions sans réponse. C'est soit je me bats, soit je renonce. Le cœur aspiré par la perte d'un être cher. Je suis plongé entre l'ombre et la lumière. L'amour est bien plus fort que la mort. Là où on se retrouvera. Dans mon cœur tu vivras encore. Non, je ne t'oublie pas. Je relativise parce que demain ça peut être moi. J'apprécie le coucher de soleil comme le million de dollars. Serre dans les bras la personne que t'aimes avant qu'il soit trop tard. Ou que je fasse semblant de mourir comme Ragnar. Destin bloqué dans un traquenard. À force de vivre je sors du brouillard. Sauf qu'une partie de moi n'est plus là. Je cherche à être trempé comme Blacko. La vie est belle comme un arbre avec des oiseaux, hein. Ça me fait bizarre de parler de bigot au passé. Tous les soirs je pleure et j'ai envie de tout casser. Mais j'essaie de me ressaisir. Mon frère, je ressens ta présence dans le zéphyr. Il y aura toujours des questions sans réponse. C'est soit je me bats, soit je renonce. Le cœur lacéré par la perte d'un être cher. Je suis plongé entre l'ombre et la lumière. L'amour est bien plus fort que la mort. Là où on se retrouvera. Dans mon cœur tu vivras encore. Non, je ne t'oublie pas. Il y aura toujours des questions sans réponse. C'est soit je me bats, soit je renonce. Le cœur lacéré par la perte d'un être cher. Je suis plongé entre l'ombre et la lumière. L'amour est bien plus fort que la mort. Là où on se retrouvera. Dans mon cœur. J'ai perdu mon frère, j'ai peur de la vie. Sans la descendance, ça sert à quoi de se construire? J'essaie de réussir pour toi, les parents et les mômes. Quand je reviens, les concurrents deviennent des fantômes. Deviennent des fantômes. Quand je reviens, les concurrents deviennent des fantômes. J'essaie de réussir pour toi, les parents et les mômes. Quand je reviens, les concurrents deviennent des fantômes. Il y aura toujours des questions sans réponse. C'est soit je me bats, soit je renonce. Le cœur lacéré par la perte d'un être cher. Je suis plongé entre l'ombre et la lumière. L'amour est bien plus fort que la mort. Là où on se retrouvera. Dans mon cœur tu vivras encore. Non je ne t'oublie pas. Je me bats, toi je renonce. Non je ne t'oublie pas. Le 29 octobre à la Cigale, ça va être ma tailleur le général. C'est un titre inédit de Mac Taylor qui est dispo en plateforme de téléchargement légal. On peut y aller, on peut cliquer et repartir avec ce morceau. T'avais écouté Siana, celui-ci, Fantôme. J'ai acheté, il est très très lourd. Ah, t'as acheté aussi, toi t'achètes. Direct. Un soutien fort, Siana, Un soutien, franchement. Et moi, je la soutiens beaucoup. Et je pense que Siana va faire partie de l'avenir du rap français. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite rappeuse féminine avec. C'est vrai. Qui vient avec quelque chose de frais, d'une nouvelle génération. Toi et moi, on a vu plein de choses, plein d'artistes arriver, plein d'artistes féminines. Et franchement, depuis Mélanie, j'avais pas vu encore une énergie comme ça nouvelle. Et je pense qu'elle peut faire quelque chose. Même dans l'écriture aussi. Même dans l'écriture. Son album, tu vois, il est un peu différent de son EP parce qu'il a été un peu plus profondément dans les textes, dans le partage un peu de sa vie. Et il y a des belles surprises, vraiment. Il y a un morceau que vous avez fait en commun qui s'appelle Appel manqué. Exactement, aussi. Ouais, c'est vrai. On va peut-être passer. Pour son EP, on va le passer comme qu'on ça. On va passer dans la soirée, en tout cas, en commun. Toi, l'image que tu avais de Mac Taylor quand il dit je suis une légende comme son album, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est quelqu'un que tu as beaucoup écouté, Mac Taylor? Ouais, j'ai beaucoup écouté avant même que je le rencontre, et c'est pour ça que je suis très flattée à l'heure d'aujourd'hui qu'ils me soutiennent comme ça. Et moi j'ai écouté l'album et franchement j'ai kiffé, j'ai soutenu aussi, j'ai acheté direct et je conseille à toutes les personnes d'aller l'acheter, il est très très lourd. Sincèrement. Toi, c'est vrai, Siana, t'as une vingtaine d'années. Ouais. Donc, quand il a commencé le rap, t'étais. J'étais même pas née. T'étais toute petite, en tout cas. Ouais. C'est quoi le premier. T'as un souvenir en particulier d'un son de Mac Taylor ou avec Tandem? Est-ce que t'as. Je me souviens. Le son que j'ai le plus écouté, c'est le son avec Jam, Skerry, Le Jugement. Il y avait une trilogie, Et un clip aussi incroyable, d'ailleurs. C'était incroyable, c'était le cas. Ah, c'était quelque chose, je pense que ça va marquer le rap pendant un long moment, et on est fiers d'avoir été à l'origine de ce projet. Il y a toujours en plus ce côté image aussi que tu as toujours développé, toi, Mac Taylor. C'est vrai que tu as toujours voulu arriver avec une belle image, des beaux clips. C'est vrai. Je donne une importance vraiment importante à l'image, et surtout à cette époque-là où l'image n'était pas encore développée comme aujourd'hui. Et franchement, d'avoir fait cette trilogie, d'avoir fait ce genre de court-métrage. Moyen-métrage, d'ailleurs. Ouais, moyen-métrage, mais que avec du rap. Tu vois, il n'y a pas de moment cinématographique réel avec les paroles, tu vois. Et franchement, j'ai vraiment kiffé parce que c'est comme une comédie musicale en rap, quoi. Mais je vous conseille d'aller mater, de toute façon, il est toujours dispo. Dispo. Vous tapez Tandem, la trilogie, vous allez tomber dessus. Et vous allez tomber dessus aussi. Tu te souviens du tournage aussi où vous aviez tourné On avait tourné à. On avait tourné le jugement à Cour d'assises de Melun. Cour d'assises de Melun. Et franchement, c'était bien. À l'époque, il y avait Will Thord. Tu vois, il y avait tous les gens d'avant. Ils étaient tous venus au tournage. Et quand on a tourné le morceau en live, parce qu'à la fin, on avait fait une prise de grue. Donc, ça veut dire qu'on devait faire tout le morceau comme on avait fait par petite partie pendant le clip. Et c'était une comédie musicale. Ouais, c'est ça, en fait. Et c'était choquant, tout le monde était ému. On a dit, on a marqué quelque chose là. Et je suis content, est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas. Peut-être qu'ils pensaient encore à l'avenir. C'est vrai que ce serait bien, la comédie musicale rap. Franchement, ça serait bien. Pas le souvenir qu'il y en a eu énormément, en tout cas ici en France. Ouais. Je crois que Solar avait tenté un truc à une époque. C'est vrai. Les aventures de Rabbi Jacob qu'il avait refait en comédie musicale. Je sais pas si tu te souviens. Je m'en rappelle plus. Mais c'était pas que rap. Mais non, c'est plus vrai qu'aujourd'hui, ça serait bien que ça se réalise. Bah. En plus, on est plus ouvert aujourd'hui. L'avenir est à vous. Exact. Voilà. Et à Siana aussi, donc avec un EP qui est toujours dans les bas. Qu'est-ce qui se passe pour toi, la Siana? L'album arrive. Est-ce que l'été a été studieux? Ouais, parlais des festivals aussi, mais. Ouais, on a beaucoup tourné. Mmh. Là, je reviens de Suède, on a fait 3 concerts là-bas, c'était le feu. C'était un truc de ouf. Même en Suède, quoi. Carrément. Ouais. Non. Elle me déboussole, la petite. Ils nous ont super bien accueillis. Et là, il y a un clip qui arrive là, dans quelques jours, début septembre. Début septembre, premier extrait de l'album qui s'appelle Ainsi va la vie. Ainsi va la vie, donc titre inédit. Exactement. Et le projet, tu le vois quand toi? Plutôt 2016, plutôt. Je sais pas encore. On verra comment ça avance petit à petit. Bon, on guettera ça dans quelques jours. Ouais, exactement. Ainsi je vais l'annoncer sur les réseaux incessamment sous peu là. Ainsi va la vie, on sait que ça s'appelle comme ça le morceau, voilà. et les images arriveront donc bientôt. Qu'est-ce qu'on met comme morceau, Mac Taylor? Il y a le appel manqué, il y en a d'autres aussi. À qui la faute? Oui, un morceau que j'affectionne particulièrement parce que c'est un morceau assez moderne, mais avec du fond, tu vois, avec du fond. Et j'avais appelé ça la trappe qui instruit parce que souvent la trappe c'est léger et franchement. En même temps, tu nous as expliqué quand même la différence, c'est vrai, cette semaine entre trappe. Ouais, et drill. Et drill qui est normalement la musique un peu plus simpliste dans les paroles. Voilà, et c'est ce que font les gens en France, mais ils appellent ça la trappe. La trappe, ouais. Voilà, et trappe, normalement, oui, c'est des paroles un peu plus. C'est un peu comme c'est un peu plus travaillé, et c'est plus. Et les instrumentaux, les programmateurs essaient de rencontrer un maximum de musique possible. Il peut encore y avoir de la soul dans la trappe, comme l'école de New York, tu vois. Tandis que les gens aujourd'hui ne font pas ça, donc ils font de la drill, mais ils appellent ça de la trappe en France. Donc sachez-le. Petit raccourci. C'est des petits raccourcis, ça. Ce n'est pas de la trappe, ce que vous entendez, mais de la drill. De la drill. Par contre, ça, c'est de la trappe. Wow. Allez, c'est parti, Mac Taylor, c'est extrait. Je suis une légende dans les bacs. Mon gilet, il est par balle, on ne sait jamais. Même sous une cagoule à deux trous, les frères se reconnaissent. Entre persuasion, dissuasion, on pense avoir le nucléaire. L'argent a plus de pouvoir qu'un noir musclé et fier. J'applique la trappe qui instruit, négro, prends ta chance en plein air. C'est la misère, elle est déterre, elle se balade avec un 9 mm. Je souhaite pas la haine à mon pire ennemi. Le crime pour échapper à cette épidémie. Si j'ai trop de gros levés dans la valise, j'ai peur que ma descendance soit des halamis. Si je n'ai plus d'air, comment je dois souffler, hein? Tu voulais rouler en coupé, les keufs t'ont découpé. Bang, bang. Ce que j'entends dans vos rap, ce n'est que des fouteuses. Comment croire en ce pays choqué par le Fouquet? Pour quitter la France, demande à Ben Affleck si ta meuf est blonde, méfie-toi. Gone girl, le cauchemar de la France devant vous pour attiser vos peurs. C'est le gouvernement qui vous bluffe. Oh God, j'ai mon empire, ma philosophie, ma façon de vivre. Bientôt les oligarques devront faire face à des anarchistes. Tout sera bientôt fini d'une manière ou d'une autre. Tout sera bientôt fini d'une manière ou d'une autre. C'est chacun qui cherche ce qui jette la faute. A qui la faute? A qui la faute? A qui la faute? A qui la faute? À toi, à moi, à nous, à lui, là-bas. A qui la faute? A qui la faute? Tout sera bientôt fini d'une manière ou d'une autre. C'est chacun qui cherche ce qui jette la faute. Untouchable. L'amour aveugle, mais les voisins ont des yeux. Je me retourne pas sur la médisance, je laisse parler les rages. Cousin, le temps ne guérit pas les blessures, elle est recouvre d'un bandage. Quand t'as le succès, c'est tout le monde qui t'aime jusqu'à l'œsophage. Dans le zoo, c'est la rage qui nous contamine. J'ai les gènes du pharaon des pyramides. J'ai vendu du gras et du moins gras, avec mes grosses couilles et du gros calibre. Je calcule pas le milieu du rap, ils sont ingrats comme mes enfants. Avoue qu'il n'y a plus grand chose qui te transcende. Ton camp, tu m'entends, t'es ensemble. Je suis pris la balle pour te lober. Untouchable. Je représente Africain comme Okobe. Untouchable. Il est temps de récupérer sa place, même si je me fous du trône. Bang. J'ai dû sortir du 45 sur ton foutu pote. Je ne dis que des choses vraies. Va écouter les autres. Tout sera bientôt fini d'une manière ou d'une autre. C'est la misère qui nous rapproche, comme sous le même parapluie. Là je traîne au sol comme un petit Dufresne, pas comme au trampoline. Tout sera bientôt fini d'une manière ou d'une autre. Dédicace à tous les quartiers de France. C'est ça, été la faute. Les chaînes de ce soir sur Planète Rap. D'une manière ou d'une autre. Aubert. Chacun qui cherche sur qui j'ai la faute. Aubert. À qui la faute. Aubert. À qui la faute. À toi, à moi, à nous, à lui, là-bas. À qui la faute. Tout sera bientôt fini. D'une manière ou d'une autre. À qui la faute. C'est chacun qui cherche sur qui j'ai la faute. Ça, ça va être du sale en concert le 29 octobre à la Cigale. Ça va être du très très lourd. 29 octobre à la Cigale, le général. Venez nombreux, ça va être très très lourd. Cheer. El Khenekhali, Chico. C'est un extrait de l'album de Mac Taylor qui est dans les bacs depuis le mois de mai. Je suis une légende de l'album et le morceau à qui la faute à l'instant sur Skyrock entre 20 et 21. Mac Taylor est là, Sienna aussi est avec nous en invité. Il y aura un live de Mac Taylor tout à l'heure à pas louper. Ouais, d'accord. Pas de soucis. Comme tu veux. Non, tranquille. Et là, il est grand temps de passer au cahier de vacances. Alors, encore deux semaines, grosso modo, avant la rentrée. Toi, t'as fait des cahiers de vacances quand t'étais plus jeune ou pas? Tu te souviens de ces trucs emmerdants l'été? Pour passer au CE1. Ça a marché. Sienna, tu dis toi, t'as eu droit au cahier de vacances c'est ou pas? C'est quoi exactement? Tu sais, c'est le truc que t'as l'été là, genre passeport. Ah. Ouais, passeport, les trucs passeport. Ah. Non, pas trop. Eh ben écoute, c'est donc les derniers cahiers de vacances que l'on va vivre dans Planète Rap. Et pour les vivre, c'est une sorte de quiz évidemment avec Nina de Vitry. Salut Nina. Salut. Ça va bien Nina? Salut à tous, ça va et vous? Eh ben je te présente Mac Taylor, Sienna aussi. Salut. Enchanté, vous allez bien? Ça va, merci. Ça et toi? Et bon, on va voir qui est à le niveau ou pas pour la rentrée. Ouais, ou pas. Vous pouvez répondre. On va commencer, alors c'est très simple. Bon, ça va être assez simple et à mon avis, c'est plus pour toi, Nina, parce que on va pas demander à Mac Taylor qui est exclu de cette première épreuve qui est le vocabulaire. On va demander à Sienna, on va voir. C'est des extraits. Il faut remplir les trous. Allez hop, c'est parti. Je t'ai kiffé direct, aimé pas ce que je faisais. J'aime le charme de ton âme, sans ton enveloppe charnelle. Des heures au téléphone, des petits coucou par SMS. Sienna, tu dis quoi? Non, c'est ça. C'est des petits coucou par SMS. Bravo, bravo Nina. Bravo, bravo Nina. Un point bravo. Pour toi. Merci. Premier point. Toi, Mac Taylor, tu confirmes, hein, c'est bon, coucou, c'est simple. SMS. Allez, deuxième extrait. C'est tout. Il y en a qui ont simplement disparu, ouais. Comme tous ces frères qui se font tuer dans la rue. Ouais. Je m'étais brûlé les ailes dans le ciel parce que j'ai voulu grandir trop vite. On était plusieurs au départ. C'est bien, Nina. Quitte. Ouais. Ah, Nina, allez, on va dire un point, deux points pour Nina et un point pour Sienna. Troisième extrait. Dis-moi comment fermer les yeux sur tout ça. J'ai des cousins au bled, parti trop tôt par manque de CFA. J'aimerais vous dire. Que j'ai mes villas. J'aimerais vous dire que j'ai mes. Que j'ai mes villas. Ah non, ça c'est trop bonhomme pour moi ça. Sienna, est-ce que tu es bonhomme? J'ai zappé, non. Ouais, je suis bonhomme. J'aimerais vous dire que j'ai mes. Que j'ai mes villas. Moi je peux le dire. Bah oui, tu peux le dire. Disque de platine. Voilà, j'aimerais vous dire que j'ai mes disques de platine, que j'ai mes villas. Bon allez, c'est pas grave. Ah ouais, bon bah c'est bon à savoir. Toujours bon à savoir. Allez, c'est parti, quatrième extrait. Insulte pas mon son, ou dis-moi que tu m'ennuies grave. Quoi, y'a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent. Mon rap c'est un gros dans le cul des puristes. Pour l'inspirer, j'ai mis le calibre dans la main gauche à Shakespeare. Hein. En mode Tupac, arrosé à la NSI. Être noir en France, c'est comme grandir dans le Tennessee. Alors Nina, mon rap c'est un gros. Dans le cul des puristes. Pas, j'attends que Mac Taylor me donne la réponse en fait, il m'a rien envoyé. Sienna, est-ce que tu as une petite proposition? Pareil sur Je m'ennuie grave. Mon rap c'est un gros. Doigt. Un gros son? Un gros. Je sais pas. Je sais quoi qu'elle dit. Un gros tube. Mon rap c'est un gros. Tube. Non. C'est un bruit d'un bisou? Mon rap c'est un gros. Dans le cul des voilà. Puristes. Voilà. Ah ouais, putain, j'ai carrément oublié. Tu vois pas qu'il y a le petit bruit des bisous? Ah oui, c'est vrai, j'ai carrément oublié. Tu vois, c'est bien. Ah le passeport, c'est aussi fait pour ça, pour réviser ce qu'on a appris sur les différentes carrément années. J'ai oublié. Mon rap, c'est un gros. Dans le cul des puristes. Voilà. Gros bisous. Allez, cinquième extrait qui va peut-être vous départager toujours 2-1. C'est parti. Salam au frère, je suis tombé, je dois tout refaire. La thune que je donne aux impôts sert à faire briller la là, tour Eiffel. Mais vas-y, laisse ça. La coque est blanche, mais rend les gens sales. Je suis venu vous faire douter de vous-même comme Aristote et Socrate. Au loin, écarte-toi si tu écartes. Maître Gims avec le Fa, je suis venu vous faire douter de vous-même comme Aristote et Socrate. Socrate, c'est un petit clin d'œil évidemment pour Mike Taylor qu'on appelle aussi Socrate et qui nous permet d'enchaîner sur la deuxième partie de ce quiz culture générale. Alors attention là, nous, je rappelle les scores 2-1. On va dire que Mike Taylor, il était nul. Il a offert, ou alors 2-2. Il a offert un sien. Est-ce qu'on peut sauter cette culture générale? Non. Non, on peut pas sauter. Non. Par exemple, on va réviser l'essentiel. Donc Socrate ou le général, on va se plonger dans l'histoire, dans la culture générale. Okay. Combien de livres a écrit Socrate? Pas Mike Taylor, hein, mais le vrai Socrate. Je peux répondre? Ouais. Zéro. Bravo. Bah si, c'est un philosophe, il peut pas en écrire zéro. Bah si, il en a écrit zéro. Eh ouais, on le connaît par d'autres philosophes comme Platon, par exemple, si Platon, je me permets. Aristote. Mais c'est, zéro livre pour Socrate. Ah ouais. Eh bah bravo, un point qui vaudrait même double. De quelle ville vient Socrate? Aubert. Le vrai Socrate. Bien tenté, Socrate, mais c'est pas ça. À Grèce. Athènes, oui, mais Athènes. Bon, allez, celui-ci saute. Mmh. Alors attention, ça se complique. Entre Aubervilliers et Athènes, à vol d'oiseau, combien de kilomètres? Allez. Tu dirais combien? Moi? Le plus proche de vous trois. J'irais. Nina, ne cherche pas sur le net pendant ce temps. Ouais, ne cherche pas sur le net pendant ce 4 temps. 4000. Ouais, 4 000. Non, je suis en train de chercher dans ma tête, c'est déjà pas mal. Donc entre Aubervilliers et Athènes, combien? Peut-être 6 000, non? 5 000, au moins, allez, qui dit mieux? Ouais, j'aurais plus dit 11 000, moi. Ah ouais, ok. C'est loin. Non, bah c'est toi quand même le plus proche, c'est 2969 kilomètres. C'était pas sûr. Et alors, attention, dernière question. En France, il y a combien de titres ou de hiérarchies chez les généraux? Chez les généraux? Ah, donc 3. Ah, chez les généraux. Chez les généraux, et donc tu proposes 3 titres? Ouais, 3. Il y a qu'un seul général? Il y a plusieurs titres. Elle a raison. Général des armées, général de... Voilà. Je sais pas. 7. 7. Et pour Siana? Aucune idée. 4, je sais pas. Bonne réponse. Il y a général de brigade. Sur internet, vous mais même pas, vu, je te jure, regarde, même pas. Ou alors quelqu'un souffle derrière? Non, personne n'a soufflé. Général de brigade, général de division, général de corps d'armée et général d'armée. Ah ouais. Bon allez, vous savez quoi, c'est la dernière épreuve cette fois-ci. Donc on va c'est dire dur, que hein. C'est le super banco. Celui qui fait ça parfaitement repart avec le super point. Okay. C'est un extrait, le 7 août, il y a eu un événement, on le disait, la sortie de Compton, un album enfin attendu, un album de Dre, qui illustre la bande-son du film qui sortira là au mois de septembre en France. Donc nous allons faire, qui est le meilleur en anglais d'entre vous trois? Attention, ça donne là-dessus, sur le morceau. C'est parti, Talking to My Diary. Remember when I got started, my intention was to win. But a lot of shit changed since then. Some old friends became enemies in the quest to victory. But I made a vow, never let this shit get to me. Stop. I let it pass. Tiens, là, je te file, vas-y. Il faut juste répéter en anglais. Oh, c'est de la dinguerie. Ah ouais, mais... Après, t'inquiète pas, Nina, ton tour arrive, ne t'inquiète pas. I remember when I got started, my intention was to win. But a love thought shit changed since then. Some of friends became enemies in the quest of victory. But I made a vow, never let this shit get to me. I let it pass. Some consider that part of my history. And I'm strong financially, physically, mentality. I'm on a whole another level. And don't forget that I came from the ghetto. Je ne comprends pas tout, mais me too. Ah, Siana, tu as aussi, vas-y, parfait, vas-y, Siana. Fais les quatre premières phrases, je vais pas tout demander, vas-y, on t'écoute. I remember when I got started, in my intention was to win, but a lot of shit changed since then. Some more friends became enemies in the quest of victory. Pas mal, wow, pas mal. Ouais, Nina, on t'écoute. C'était elle qui allait gagner. Nina, on t'écoute. I remember when I got started, my intention was to win. Alors, on est 10 dans ma tête, le temps qu'on reçoit toute l'info, il y a les doucement. Allez, vas-y, I remember. When I got started, my intention was to win. To win. Pas mal, allez, tu sais quoi, bravo, bravo, je dis, bravo, tu sais quoi, bravo. Nina, tu rends bravo largement Nina. L'album de Je suis une légende pour bien tout réviser, tu vois, il n'y a que du français et du bon là-dedans. L'album de Mac Taylor qui est sorti au mois de mai dernier. En faute de français. Merci d'avoir participé, en tout cas, merci à toi, on te fait un bisou. Pas de problème. Bonne soirée, bon courage, ciao. Ouais, merci à toi. Et salut, bah, bisous, ciao. Nina, pour ces petites révisions, allez, on en fera encore un la semaine prochaine et après, chut, fini, ce sera définitivement la rentrée. Dans quelques minutes, on va revenir. Tiens, tu es en train de lire les messages qui arrivent ? Ouais, je suis en train de lire. Ah, bah ça sonne, dommage. Ah. 06 71 74 84 15, peut-être que Mac Taylor va décrocher pendant la pub. C'est vrai. Réponse et les images d'ailleurs sont dispo tout de suite sur le skyrock.fm, sur l'application Skyrock. On revient, on mettra quel morceau ? Bah, peut-être qu'on peut mettre Appel Manqué ? On va mettre Appel Manqué. Juste après la pub avec Sienna, c'est juste après ça. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Mac Taylor pendant une heure complète ce soir. C'est Mac Taylor dans Planet Rap. Mac Taylor et Sienna, son invité sort dans l'émission avec un morceau yes. Appel Manqué. Yeah. Dédicace à Sienna ici ce soir. Yeah. Yeah. Yeah. Je suis en place. Yeah. Depuis le début, tu constates. Quand je commence à kicker, poteau, tu causes à toujours appliquer. T'inquiète, tous mes couplets sont intacts. Hein, t'es malin, pack. J'suis toujours un pec. J'ignorerai jamais de pack, même pour un gros chèque. Tu m'attaques au AK, on sortira les roquettes. J'te parle pas de chirurgie quand j'te dis que j'suis refaite. Ok. C'est maintenant. Je leur montrer qu'il est temps qu'ils me prennent au sérieux. Capable de critiquer, mais incapable de faire mieux. Avant de l'ouvrir, faut apprendre à la fermer. Des lyrics dans le cerveau, difficile à cerner. Quand j'pose un truc de maladie, veulent tous m'enterner. Ce que vous faites, c'est pas mal, mais perso, ça me bluffe. On vient remettre les pendules à l'heure du sexe, j'vais le 9-3. What's up? On fait de la maille, on fait pas de la peine. Pas de la peine. Je ne laisse que très peu de place à la peu près. Bang, bang, bang, bang, bang. Ça fait bien longtemps qu'on s'est libéré de nos chaînes. Untouchable soldat, devine comment que ça s'appelle. Sienna, Sienna, Sienna. Une vraie petite sœur, pas une chaîne comme Rihanna. Sienna, Sienna, Sienna. Une vraie petite sœur, pas une chaîne comme Rihanna. Sienna, Sienna, Sienna. Une vraie petite sœur, pas une chaîne comme Rihanna. Sienna, Sienna, Sienna. Sienna ce soir. Pas une chaîne comme Rihanna. Ouais, ouais, ouais. On fait de la maille, on fait pas de la peine. Pas de la peine. Je ne laisse que très peu de place à la peu près. Ben, ben, ben, ben, ben. Ça fait bien longtemps qu'on s'est libéré de nos chaînes. Est-ce que tu prends le soldat? Devine comment que ça appelle, Sienna. Dans la cabine, c'est pour tout dévaster. Sans rouler en merco, je vais tous les déclasser. On est un level au-dessus, mais ça, ils veulent pas l'avouer. Pour rentrer dans l'histoire, je vais devoir les effacer. Ils sont tous à la traîne, ils font tous de la peine. Bientôt l'album, bientôt l'album. Ramène-moi la meilleure rappeuse, je suis bien meilleure qu'elle. Ah, ils sont loin derrière, ils utilisent le flow que j'avais l'année dernière. Sur la route du succès, on défonce toutes les barrières. Je veux prier pour la paix, j'ai un mental de guerrière. J'ai assez de problèmes, t'occupes pas de ma vie. Mes frérots ont la haine comme ça, ils tag ma oui. Ils sont à la traîne, les clés en moins de deux. Moi et mon mic assez para comme GG et son joint de bœuf. What's up? Général, on fait de la maille, on fait pas de la peine. Pas de la peine. Je ne laisse que très peu de place à la peu près. Ça fait bien longtemps qu'on s'est libéré de nos chaînes. Est-ce que tu prends le soldat, devine comment que ça s'appelle. Sienna, Sienna, Sienna. Une vraie petite sœur, pas une chaîne comme Rihanna. Sienna, Sienna, Sienna. Une vraie petite sœur, pas une chaîne comme Rihanna. Sienna, Sienna, Sienna. Une vraie petite sœur, pas une chaîne comme Rihanna. Sienna, Sienna, Sienna. Une vraie petite sœur, pas une chaîne comme Rihanna. On fait de la maille, on fait pas de la peine. Ouais. Je ne laisse que très peu de place à la peu près. Bang, bang, bang, bang, bang. Ça fait bien longtemps qu'on s'est libéré de nos chaînes. Est-ce que tu prends le soldat, devine comment que ça pèse. Sienna. Ils comprennent qu'ils sont tous à la traîne. Faites de l'argent au lieu de faire de la peine. On gagne de l'oseille et on trinque à la tienne. Quand il s'agit de mailler, on n'a jamais la flemme. Si tu parles mal, tu connais la scène. Crois-moi, je suis bien meilleur que la selle. Ma meilleure punchline, je sais pas c'est laquelle. J'en trouverai une autre à la fin de la semaine. Je compte tout chambouler et je veux qu'ils l'apprennent. Mon blaze dans leur crâne, je veux qu'ils l'apprennent. Si Dieu le veut, bientôt j'atteins la vatène. Et pour autant, tous ces rappeurs me font de la peine. La concu, je la quête et je la requelle. Qui est la meilleure kickeuse dans le game? Je suis dans la cabine, je réponds pas aux appels. Faites de la maille au lieu de faire de la peine. Pire. On fait de la maille, on fait pas de la peine. Pas de la peine. Je ne laisse que très peu de place à la peu près. Ça fait bien longtemps qu'on s'est libéré de nos chaînes. Un de tu prends le soldat, devine comment que ça s'appelle. Sienna, une vraie petite sœur, pas une chaîne comme Rihanna. Sienna, Sienna, une vraie petite sœur, pas une chaîne comme Rihanna. Sienna, Sienna, une vraie petite sœur, pas une chaîne comme Rihanna. Sienna, Sienna, Sienna, une vraie petite sœur, pas une chaîne comme Rihanna. Ouais, ouais, ouais. On fait de la maille, on fait pas de la peine. On fait pas de la peine. Je ne laisse que très peu de place à la peu près. Bang, bang, bang, bang, bang. Où ça? On s'est libéré de nos chaînes. Est-ce que tu prends le soldat? untouchable. Untouchable, untouchable. Untouchable, untouchable. Oui, oui. Si, si. C'est un extrait de ton projet d'ailleurs, Sienna. Exactement. Justement. Exactement. Ouais. Morceau avec Mac Taylor, Appel manqué. Yes. Qu'on peut retrouver sur l'EP de Sienna. Ouais. Ouais. Allez cliquer, allez le chercher également. En attendant donc. L'album. De nouvelles aventures pour. Exactement. Pour cette rentrée ou pour les mois qui viennent avec un morceau qui va arriver qui là arrive. D'ici quelques jours. Quelques jours. Dans un instant, on passera au live avec toi, Mac Taylor. Ok. DJ Tal est déjà prêt, il est au platine. Ouais. Yes. Moi, j'aimerais faire. Je vais interpréter justement un son qui date de 2006 dans l'album du Général, où justement c'était les premiers sons trap à l'époque où tout le monde ne comprenait pas encore. Donc je vais interpréter un ancien son et un nouveau. Et ça arrive dans un instant. Juste avant, je vous présente Yanis de Sartrouville. Salut Yanis. Ça va Fred, quoi? Ça va et toi? Ça va tranquille hein. Et content, ça va quoi? Content te rends quoi? Tranquille quoi? Ça va? Ça va et toi? Tranquille, on est là hein. Eh ben on va t'écouter Yanis, c'est ça parti. Ça fait plaisir de parler avec des anciens comme Mac Taylor. Ah merci mon frérot, ça fait plaisir. Franchement c'est franchement bien le dernier album, bien. Merci, merci. Tu l'as récupéré merci. Le Je suis une légende. Bien sûr. Ah c'est merci. C'est quoi ton morceau préféré? Attends, c'est quoi? Je crois que c'est Y'en a. Ah ouais, ok, c'est d'accord. Ouais, ah, il y en a, ouais. Il y en a. Il y en a, putain, elle est lourde. Hein. Merci. Il y a qui avec toi? T'es dans la cabine, là, Yanis, non? Ouais, je suis dans la cabine. Hein. Ah ouais, je me disais. Il y a quelqu'un qui veut téléphoner ou quelqu'un qui met un coup de pression pour téléphoner ou pas? Non, jamais. Et bon, on va t'écouter rapper, vas-y, mon pote, c'est parti. Vas-y. Rap de cabine, ça faisait un moment. Le retour. Il y a des cabines, là. Ok. Yanis, F2L, bra. Ok, Socrate va falloir suivre hein. Ah, ok. Yanis F2L, premier extrait de premier album. Ah, ok. Ça fait. Un. J'ai gagné le plan militaire, je vais disparaître dans la mêlée. Mêlée, maintenant t'as répété dans les oubliés. J'ai le fond de la forme, tu n'as pas du tout compris l'enjeu. Si tu veux me cacher, c'est que tu n'es pas du tout dangereux. J'ai tant voulu percer, donner, mais je n'ai rien reçu. J'ai pas l'habitude de parler balai, même illuminé dans l'ombre. Et je ne compte plus les potes qui m'auront déçu. Ce n'est pas très gros de tomber pour des liminaires. Change de faute, puis qu'on m'appelle MC Saddam. Je tente pas ma veste, c'est les MC qui s'adaptent. Je sors plus d'albums que ton préféré. Personne dans le game ne sort, ça y est, si ça part, salope. Va mourir d'affection. Puis que je fais flipper mon ingé son, salope. Je fais même triper ton mec. Je fais trembler les murs du Jackson. Je l'ai pas le ramé, le rack m'avait dit que j'allais rater mon aura, cette pute m'a déstabilisé. Je suis le rat des égouts qui se transforme en rat de marée. Je tire dans la tête, je n'ai pas le temps de viser. Qui t'a dit que j'allais me volatiliser? J'ai des couilles sur la table et je veux pas les reposer. Plus tu sais plus, t'es dans le match ou dans l'ombre. Je suis plus rapide que la lumière en un demi-couplet. Bra. Rappeur, hein. Fort, hein. Ouais, fort. Lourd. Yanis qui sort régulièrement. Bah, il sort des projets régulièrement. Ah ouais, Yanis. Ah ouais, t'es un rappeur, t'es pas un freestyler du dimanche. D'ailleurs, le prochain projet pour quand Yanis? Bientôt, non? Bah, ça y est, on a sorti la mixtape, hein. On a testé des trucs dans la mixtape, on a vu que ça a bien marché. Et tu l'as sorti où ta mixtape? Comment? Tu l'as sorti où ta mixtape? Sur Haute Culture, en téléchargement gratuit. Ah, ok, d'accord. Okay. Et là, je prépare le premier album, là. D'accord. Et premier ça, album, donc courage à toi, alors, Yanis. Des morceaux lourds, et il va falloir aller pêcher ça. De toute façon, je vais balancer la première extrait bientôt, là. Et okay. Ben, on attend ça, Yanis. Je vais balancer le Twitter, Instagram, etc. Vas-y, on t'écoute. Donc, le Twitter, c'est Yanis F2L. Le Facebook, Yanis de l'ombre. La page officielle, c'est Yanis F2L. Instagram et Snap, c'est pareil, la même chose. Et voilà. Gros big up à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'écoutent. Je vais vous balancer un extrait très bientôt. Et bah bonne rentrée à toi, Yanis. Et puis on t'attend pour la suite. Bon, ça marche, merci. A bientôt Yanis, à l'instant sur Skyrock. On va rappeler aussi qu'il y a une date importante, c'est la Cigale. Ouais, la Cigale, hein, ça approche et c'est une date importante pour moi. Le 29 octobre. Voilà, 29 octobre prochain, la Cigale. C'est une première date officielle vraiment au nom de Mac Taylor et pour tous les fans qui me suivent depuis longtemps, c'est l'occasion de venir me voir sur scène. Donc 29 octobre, la Cigale, les places sont déjà en vente. Et puis il y a aussi le grand concours qui va s'achever demain pour repartir avec un iPad mini. Mini. Donc balancez un maximum de messages aujourd'hui. On fera peut-être encore pendant une dizaine de minutes demain soir, avant le tirage au sort. Pour repartir avec l'iPad mini, c'est simple. Il faut répondre à la question, quel est mon premier titre solo? Premier titre solo. Ouais, pas mon premier album solo, mais mon premier titre solo. Donc pour ceux qui suivent Mac Taylor depuis un moment, vous avez certainement la réponse. Vous la balancez avec votre prénom, numéro de téléphone, par SMS 41 759. Et demain soir, tirage au sort pour le iPad mini. On peut y aller? On peut y aller. Prêt? Ouais, ok. La gorge est rétablie? Presque. Presque, pas encore. Allez, c'est parti maintenant. Mac Taylor en live. DJ Tal. Bon, ça c'était en 2006, ça. De la trappe quand personne n'en faisait encore. Dur. La France est un monafo, qu'elle en redemande. La France est un monafo, qu'elle en redemande. La France est un monafo, qu'elle en redemande. Le regard revolver depuis mes premières lergas. Toujours aussi fidèle au coca fraise de Derka. 93 musique criminelle pour Youvo. Fatal comme ce drive-by à la sortie d'une réseau. Le regard revolver depuis mes premières lergas. Toujours aussi fidèle au coca fraise de Derka. 93 musique criminelle pour Youvo. Fatal comme ce drive-by à la sortie d'une réseau. J'ai pas besoin de gueuler pour mettre un tarpé sur la tempe. Juste un cap de main pour mettre fin à ton existence. Du sang sur un linge qui peut coûter la peau du cul. Chacun veut que sa pute aille en SL cacher le pédicure. Un mal-être inexplicable, ça vient de l'entourage. Des efforts combinés, des forces de l'ordre n'atténuent pas ma rage. Sans plus aucune attache, trop de bâtards dans les parages. Comme De Niro dans Hit, on défouraille sur les barrages. Ta page nocturne parce que j'écoute du rap à fond chez WAM. Expié l'osif, click. J'espère que ça va chez Mar. Me dis pas que c'est mort ou je frappe encore plus fort. J'suis pas de ces jeunes casses qui ont cessé de mordre. Personne me donne des ordres, moi je n'en fais qu'à ma tête. Troisième doigt en l'air pour Sarko et son équipe de merde. Opérationnel, rétine enflammée par la haine. Démissionne au microphone, tu n'as pas de level. Depuis mes premières lergas, toujours aussi fidèle au coca fraise de Derka. 93 musique criminelle pour Youvo. Fatal comme ce travail à la sortie d'une réseau. Le regard revolver depuis mes premières lergas. Toujours aussi fidèle au coca fraise de Derka. 93 musique criminelle pour Youvo. Fatal comme ce travail à la sortie d'une réseau. Encore une star du rap braqué par les spotlights. Je suis un klepso dingue de la tag life. Affaire non classée, mais la rue connaît le coupable. Si le caïd est sous cocaïne, il est facile que le coup parte. Ici les keufs sont tout pareux. Ne me dis pas que ta rap barricade toi chez toi et ne fais pas le mec de la rue. Y'a vraiment rien de drôle dans un gramme d'héros. T'as fait tchèque quand je t'ai vu schlaguer dans une bouche de métro. Bouge de ma vue, couche-toi quand on allume. J'ai regardé la Brigitte pour la baiser toute la nuit pour les frères en cellule qui rêvent de casser la serrure. 10 piges dans les dents, tu réalises que c'est dur. Je lève mon verre à tous les voyous qui donnent 10 kilogrammes. Je lève mon verre aux frères diplômés, oubliés par l'État. Ils paieront tôt ou tard, bientôt pour la vendetta. Une vedette noire sera là pour leur faire mal. Ah. C'est le général ce soir sur Skyrock. Ça, c'était la donne du général. Et là, c'est pour tous les soldats, Untouchable soldats de France. Mac Taylor ce soir, avec Fred à mes côtés, Siana à mes côtés, La Verte. Dure! La vie nous a fait du mal, la vie nous a fait du bien. Ici on rêve de gens art, pas comme les princes saoudiens. Je rappe en indépendant, j'espère que tu me soutiens. Un Untouchable sur l'étendard, tu sais qu'on revient de loin. J'ai vendu pour manger du pain, pas pour une paire de loup-boutins. M'a rabouté par une putain, t'as tout pris, tu restes en chien. 357 sous le coussin, ça sent la mort comme à la Toussaint. Impuissant face au drame du quartier, vécu malsain. Peine de cœur, peine de cœur plat, je cherche mon chemin. Écoute ces notes de piano, regarde le ciel et fume ton joint. Si l'hiver est prospère, je fais pas le mariage pour le mois de juin. T'es bonne, tes courbes me rendent ouf comme l'argent du terrain. Minute de silence pour le défunt, le cœur froid comme un assassin. Famille modèle dans une villa, un cadavre dans le jardin. J'ai pas la chance à du jardin, je vis dans le chagrin. Ma prochaine meuf aura les yeux verts, les cheveux châtains. Derrière les murs du château, le roi pleure comme un gamin. L'empire s'écroule sous mes yeux, mais j'ai la chance d'être africain. La chance d'être en bonne santé, la chance de voir les médecins. La chance d'être en liberté, la chance d'être parmi les miens. La galère ça rend bête, tu lèves ton compète. Tu crèves, tu laisses le quartier en deuil. Et ta mère encore plus seule, putain. Tout le monde peut tuer tout le monde, personne n'est surhumain. Enchaîne, sera difficile de faire ta peine sur une main. Les gens sur qui je peux compter, je peux les compter sur une main. J'ai rencontré deux, trois meufs, je ne sais pas si c'est des filles bien. Vendredi prochain si tu veux, je les appelle qu'on aille dîner. J'espère être touché par la flèche du bébé ailé. Je peux te faire à la télé, je passe un peu à la radio. Tu peux

relativise parce que demain ça peut être moi. J'apprécie le coucher de soleil comme le million de dollars. Serre dans les bras la personne que t'aimes avant qu'il soit trop tard. Ou que je fasse semblant de mourir comme Ragnar. Destin bloqué dans un traquenard. À force de vivre je sors du brouillard. Sauf qu'une partie de moi n'est plus là. Je cherche à être trempé comme Placo. La vie est belle comme un arbre avec des oiseaux hein. Ça me fait bizarre de parler de bigot au passé. Tous les soirs je pleure et j'ai envie de tout casser. Mais j'essaie de me ressaisir. Mon frère, je ressens ta présence dans le zéphyr. Il y aura toujours des questions sans réponse. C'est soit je me bats, soit je renonce. Le cœur lacéré par la perte d'un être cher. Je suis plongé entre l'ombre et la lumière. L'amour est bien plus fort que la mort. Là où on se retrouvera. Dans mon cœur, tu vivras encore. Merci à toi, Blanco. Je ne t'oublie pas. Il y aura toujours des questions sans réponse. C'est soit je me bats, soit je renonce. Le cœur lacéré par la perte d'un être cher. Je suis plongé entre l'ombre et la lumière. L'amour est bien plus fort que la mort. Là où on se retrouvera. Dans mon cœur tu vivras encore. Non je ne t'oublie pas. Depuis que j'ai perdu mon frère, j'ai peur de la vie. Sans la descendance, ça sert à quoi de se construire. J'essaie de réussir pour toi, les parents et les mômes. Quand je reviens, les concurrents deviennent des fantômes. Deviennent des fantômes. Quand je reviens, les concurrents deviennent des fantômes. J'essaie de réussir pour toi, les parents et les mômes. Quand je reviens, les concurrents deviennent des fantômes. Il y aura toujours des questions sans réponse. C'est soit je me bats, soit je renonce. Le cœur lacéré par la perte d'un être cher. Je suis plongé entre l'ombre et la lumière. Je sais que je suis pas le seul dans ce cas. Dédicace à toutes les familles ayant perdu un être cher. Voilà, à l'instant, ce morceau de Mac Taylor, titre inédit avec Blacko aussi, Fantôme. Gros morceau celui-ci aussi. Hein. Ouais, Sienna. Franchement, j'aime très, bien. Très gros morceau. Un morceau qui a été téléchargé par Sienna, donc tout comme Sienna, faites pareil. Exact, voilà. Téléchargez également ce morceau. Merci pour, merci d'être passé, Sienna. Merci à vous, merci à toi, Mac Taylor, de m'avoir invité. Ouais, pas merci. De problème. Donc on attend la suite pour Sienna, ça va arriver bientôt. Yes. Bientôt. Bientôt. Et puis il y a toujours le P en attendant. Et avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock offre le jeu Until Dawn jusqu'à l'aube, plus la PlayStation 4 qui va avec. C'est Willy Dandy qui vient faire tourner la roulette. Ça vient, Willy? Ah, Willy a raccroché après. Willy, tu es là? Passion. Allô? Ah bah voilà, c'est bien. Allô, ouais, je suis là. Ouais. C'est bien ton prénom, Willy? Ouais. Ah oui, c'est ça. Ok, non, t'as envie de prendre ton temps, Willy, c'est ça, c'est normal. Bon, je te présente Mac Taylor, je te présente Sienna aussi. Salut Willy. Salut, ça va? Ça va, Willy. Ah, tu ça fais, fait plaisir. Tu fais quoi, t'es en vacances, Willy? Tu fais quoi, toi? Ouais, je suis en vacances, je me repose. Bah écoute, tu as bien raison. Tu es prêt à faire tourner la roulette? On y va, c'est parti. Ouais, ok. Dès que tu veux, tu dis stop. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et ben voilà, tu vas aller au ciné gratos grâce à Skyrock, le film événement, le film Hitman Agent 47. Il y a une, deux, trois, quatre places pour toi. Et et le jeu aussi, Until Dawn, pour toi, c'est pour toi. On t'envoie tout ça dans le 9-5. D'accord, merci. Beau cadeau pour toi. Ouais, pas mal. Ouais. Ah, merci. Mmh. Et ben Willy, on te laisse te reposer. Tu m'as l'air bien fatigué. Je pense merci, Skyrock. Les vacances t'ont épuisé, donc il est grand temps de faire une petite sieste. Merci à toi, Willy. Merci, Mac Taylor. Demain, la dernière, merci, à pas louper. On se voit demain. Demain, avec le iPad mini à choper. Le numéro de téléphone aussi pour Jean de Mac Taylor, c'est 06 71 74 84 15. Sienna, à très vite. À très vite. Merci à Digital, merci à tous ceux qui étaient là. Salut tout le monde, salut. Merci salut de nous avoir suivis. On va retrouver justement avant son grand retour en direct, et ils sont en forme. Ouh là là. Toute l'équipe de Difool revient lundi en direct à pas louper entre 21h et minuit. Et là, on se replonge dans les meilleurs moments de cette saison. C'est parti. Ciao. Allô, Romano. Oui, allez, salut Difool.